17-31. Activation orale, forme de l'imparfait. Répondez selon l'exemple. Alors, par exemple, vous entendez... 1. Maintenant, je ne veux plus être pompier. Mais vous dites... Mais, quand j'étais petite, je voulais être pompier. 2. Maintenant, ça ne m'intéresse plus. 3. Maintenant, nous n'allons plus en Bretagne. Mais quand j'étais petite, nous allions en Bretagne. 4. Maintenant, ce n'est plus à la mode. Mais quand j'étais petite, c'était à la mode. 5. Maintenant, je n'aime plus la Bretagne. Mais quand j'étais petite, j'aimais la Bretagne. 6. Maintenant, je n'ai plus envie d'y aller. Mais quand j'étais petite, j'avais envie d'y aller. 7. Maintenant, nous n'habitons plus à Paris. Mais quand j'étais petite, nous habitions à Paris. 8. Maintenant, mon père ne travaille plus à Paris. Mais quand j'étais petite, il travaillait à Paris. 9. Maintenant, on ne fait plus ça. Mais quand j'étais petite, on faisait ça. 10. Maintenant, l'ami de Robert ne croit plus en Dieu. Mais quand il était petit, il croyait en Dieu.